jeunesse jusqu'ici. Tu te fais un nouveau visage et tu crois changer de vie. Mets moins de rouge sur tes lèvres, un peu plus de rose dans tes rêves. Oh Marie, tu n'as pas trop de temps pour l'amour. Mais Marie, mais si tu voulais entendre tout ce que je sais, tu saurais qu'on ne peut jamais faire demi-tour. Dis-moi Marie, qu'as-tu fait de tes voyages jusqu'ici? Tu vogues de chambre en chambre et tu crois changer de pays. Vois-tu, moi je sais des escales qui mènent au pays des étoiles. Oh Marie, cherche au fond de toi, c'est l'amour. Car Marie, mais si tu voulais entendre tout ce que je sais, tu saurais qu'on ne peut jamais faire demi-tour. Toujours de couleur. Le peintre n'est pas l'aquarelle, pas la vie avec ton cœur. Que tes cheveux soient rouges ou gris, tu es toujours couleur d'ennui. Oh Marie, tes printemps s'en vont, au temps qui court. Mais Marie, mais si tu voulais ce que je sais, tu saurais qu'on ne peut jamais faire demi-tour. Je sais, tu saurais.